En Corée du Sud, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a organisé simultanément le 29 mars le rassemblement dans 11 régions, y compris Séoul, pour déclarer la grève générale en faveur d'une société nouvelle où les masses laborieuses sont les maîtres de tout sur pied d'égalité, apprend-on d'après le journal d'internet sud-coréen Jeju Sibo. Elle envisage de livrer une grève générale sociale le 30 juin à venir en vue de l'augmentation du salaire minimum, de l'abolition des emplois irréguliers, de la dissolution du système plutocratique et de la révision générale du droit du travail.